En direct et pour la dernière fois, vous écoutez Respecte les dauphins. Bonjour et bienvenue à l'émission Respecte les dauphins, émission qui vous présente à chaque semaine deux heures d'actualité culturelle locale, puis surtout de la bonne musique. Je m'appelle Kiwan et puis oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment la dernière émission cette année. En fait, c'est la dernière émission peut-être à vie des dauphins. J'espère peut-être qu'un jour les dauphins ressusciteront sous d'autres cieux, mais pour l'instant... ça s'enligne pas mal pour être la dernière émission à vie de Respecte les dauphins parce que je suis pas disponible pour animer cette émission là pendant l'été et puis pour l'automne prochain il y aura d'autres projets qui viendront. Donc quand même une émission à faire aujourd'hui, ça va être une belle émission je pense parce qu'il y a quand même pas mal de trucs qui se passent, pas mal de spectacles qui sont présentés dans le coin ici à Trois-Rivières cette semaine. On va en parler un peu, on va présenter les groupes surtout. Et aussi, la visite. Je vous dis pas qui, je vous dis pas trop ce que c'est parce que vous savez, j'ai une petite réserve toujours à propos de l'annonce de visite dans l'émission. Mais ça devrait se passer aux alentours de 17h, ça, ou dans une heure environ pour ceux qui écoutent la rediffusion. Donc, surveillez ça. J'espère toujours avoir cette belle visite que j'attends. Mais pour l'instant, on va aller en musique. T'sais, on va commencer ça avec un bloc plutôt tranquille. Il va y avoir là-dedans du Antoine Corriveau. Et on va commencer ça tout de suite avec David Martel. Et une pièce qui a vraiment un très très beau clip. Je l'ai vu cette semaine. La pièce The End of Self de l'album I Hardly Knew Me de David Martel. On écoute ça tout de suite à Respecte les dauphins. Sur les ondes de C'est Fou, 89.1 FM. precious man with the same dream. A welcome death, a will to live, a faithful heart to the end of sin. je ne veux pas que les seuls. C'est Anne Perrault qu'on vient d'entendre avec un extrait de son nouvel album. Ça s'appelle Le Président danse autrement. Et puis, si vous êtes curieux d'entendre le reste de l'album de Anne Perrault, vous voulez l'entendre au complet, vous pouvez même le faire en sa présence. C'est demain soir, si vous écoutez en direct, évidemment. C'est demain soir, vendredi, le 17 avril, ici à Trois-Rivières, à l'Embuscade. C'est un 5 à 7 et vous pouvez aller écouter l'album. Donc, c'est une session d'écoute en présence de Anne Perrault. C'est gratuit. Donc, à l'Embuscade, demain soir, un 5 à 7. Juste avant ça, on avait entendu Antoine Corriveau avec la pièce L'Épave et on avait commencé le bloc avec David Martel et The End of Self. On va continuer tout de suite en musique avec une pièce qui est dans le palmarès anglophone qui s'appelle Diamond Dave du groupe The Bird and the Bee. Et je vous rappelle de rester bien à l'écoute pour cette dernière émission de Respect les Dauphins parce que d'ici la fin de l'émission, il va y avoir Moby Dick en entrevue. As a child, you captured my devotion. I spent so many hours exploring mixed emotions. All of the ways you spoke to me, all of the things you provoked in me, I'll always C'était Nowhere Nights avec le groupe plutôt, Parts and Labor avec la pièce Nowhere's Night. Juste avant ça, on avait entendu les Collaboles de Malajub, c'est dans le palmarès francophone, ça ici, assez fou, et on le bloc avait commencé avec Diamond Dave, The Bird and the Bee. Maintenant, on va faire une petite pause, ce sera pas très long, un petit 2 minutes, mais restez là parce qu'au retour, il va y avoir la musique, entre autres, des Frères Goyette et de Avec pas de casque. C'est un gars qui aime bien beau linge, je mets mon manteau de fourreux. J'ai le casque qui vient avec aussi. J'suis fier à deux. Oh yeah. Ça rasait fort d'église quand j'suis rentré. Y'a-tu vu la manche, j'pense que c'est du Versace. Oh non, madame, c'est du castor véritable. Pas question d'aller jobber avec ça sur le dos d'un table. Oh non, jamais. J'suis pas du genre à jouer au golf les fins de semaine, mais au mini-potch, je drive le totem. Y'a jamais eu personne qui a osé dire que j'étais peu brûlé. Car ouais, la quantité d'oignons dans mes roteux. Oh yes, baby, come on, let's get down, weather. Never been a kind of sing a song for. J'vois mes chums des optimistes assis dans le bar en avant. Ils ont toute une belle place VIP pour checker le curé Clément. Salut mon Jules, comment ça va mon gars? Ça va bien? Hey, belle décoration, merci bien, thank you. Ah, t'as du goût. C'est pas que ça coûte cher, mais ça prend rien que la patience de choisir toutes tes lumières, de les sacrer dans un tas de branches. Y'a ma femme qui est au balcon, elle chante en autobariton, est énorme, et elle est là parce qu'elle chante fort, mais une chose est sûre, c'est pas sa première messe de minuit. J'ai déjà vu chanter un petit quelque chose avec le... Ah, c'était qui donc? C'était qui donc, le gars? C'est le gars des pèlerins, chanteur. C'est ça. Le notaire Carrier, c'est ça. J'suis pas du genre à jouer au golf des fins de semaine, mais oui, ni pas que j'te drive le totem. Y'a jamais eu personne qui a osé dire que j'me brûle. Mais quand ouais, la quantité d'agneaux dans mes roteux, hey! De réception, c'est moi qui reçois toute la visite. Fontaine de crème soda dans mon portique. Servez-vous, messieurs, et parmi les enfants d'abord. Petit sandwich roulé aux œufs. Allez voir ailleurs pour du caviar. Ah non, y a pas de caviar ici, madame, mais y a Maurice Goyette. Passionnons devant le Seigneur. N'attends que moi pour te dire le chemin de la vérité. Oh yeah, baby, come on, let's get down with her. Never been again to sing a song for her. Oh, fuirai la mort avec mon canifo, je gagnerai encore. Et l'amour passe à travers la laine. Et l'amour passe à travers la Hey, c'est avec podcast qu'on vient juste d'entendre avec la pièce L'amour passe à travers le linge. Avant ça, on avait entendu les frères Goyette et vous savez, les deux groupes vont être ensemble en spectacle ce soir pour ceux qui écoutent en direct, évidemment, le 16 avril. Le jeudi 16 avril, c'est du côté du Nord-Ouest Café ici à Trois-Rivières. Un très bon spectacle. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu les frères Goyette en spectacle dans le coin ici à Trois-Rivières. On fait quelques spectacles dans la dernière année, mais c'était surtout à Montréal. Il n'y a pas beaucoup de nouvelles non plus concernant les frères Goyette. Pas d'album ou rien. On consulte leur site internet ou leur MySpace, les nouvelles sont pas très récentes, mais en tout cas c'est intéressant d'avoir des nouvelles, en fait, de les voir en spectacle. Ce sera l'occasion finalement d'avoir un peu, savoir un peu qu'est-ce qui se passe avec les frères Goyette. Et moi, je vous invite, même si les nouvelles sont pas très à jour sur leur site internet, je vous invite à aller le visiter parce que c'est vraiment un très très beau site internet, celui des frères Goyette. Allez au www.lesfrèresgoyette.com, vraiment une très belle section multimédia. Vous pouvez voir un court-métrage, entre autres. Vous pouvez entendre des extraits de l'album. Et aussi, chose que je trouve vraiment amusante, c'est qu'on peut entendre les anciennes pubs de C'est fou ici. Je sais pas s'il y a des auditeurs qui se rappellent, là, plusieurs années, il y avait des pubs du site internet de C'est fou ici qui étaient faits avec la voix, qui étaient faits par, en fait, Maurice Goyette, le chanteur des frères Goyette. Et puis, toutes ces pubs-là se retrouvent sur leur site internet, lesfrèresgoyette.com. C'était vraiment des très, très bonnes pubs, très drôles. Vous pouvez toutes aller les écouter au www.lesfrèresgoyette.com. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner en musique avec Hooded Fang et la pièce Land of Giants. Tout de suite, à Respecte les Dauphins. Are gone, and with them. land of giants, there's a saying, sometimes it's better to fold than keep on praying. Even when the pressure hurts, we'll be right back. toutes les situations. Je me retrouve pogné comme un con à poser toujours les mêmes maudites questions. Qu'est-ce que je peux faire pour changer d'air? Poisson avec la pièce Le Con, ça se retrouve ça en position numéro 9 du palmarès francophone cette semaine et c'est vraiment très très bon. Juste avant ça, on avait entendu un autre très bon groupe qui s'appelle La Question. Groupe qui a l'air assez friand de jeux de mots. D'ailleurs, on avait entendu la pièce Et moi, et puis là, faut vraiment lire tous ces titres et ces noms-là pour voir les jeux de mots. Mais quand même très intriguant, ça, l'album de La Question. On a reçu ça assez fou, ça fait pas très longtemps. Et c'est un groupe assez jeune aussi qui se serait formé vers la fin de 2008. Et moi, je trouvais qu'il y avait des... je sais pas, j'entendais des ressemblances un peu, surtout au niveau de la voix, mais je pense que c'est pas le... Et je sais pas exactement là c'est quoi les liens de parenté, je pense pas qu'il y ait le même chanteur, mais il y a assurément des liens entre le Roi Poisson qu'on vient d'entendre et La Question qu'on a entendu juste avant, mais j'ai pas fini d'investiguer La Question, vraiment c'est intriguant. Je sais que quand on lit les crédits sur les deux albums, il y a des noms qui reviennent régulièrement dans les deux, du côté du Roi Poisson et de La Question. Donc ouais, c'est vraiment intriguant ça, je continue à me documenter sur le sujet, je vous en reparlerai éventuellement. ce qui est du Roi Poisson, si vous avez vu l'édition du magazine Voir de cette semaine, la toute nouvelle édition, ben c'est le Roi Poisson qui sont en page couverture avec un très bel article sur le groupe. Je vous encourage à aller lire ça, c'est vraiment très intéressant. Maintenant, c'est la fin de la première heure, on va aller faire une pause. Mais je vous invite en fait à rester là pour la deuxième heure parce que ça va être très intéressant. On va recevoir entre autres l'artiste français Moby Dick en prestation et entrevue. Restez là à Respecte les Dauphins. Avec la pièce Down to the Underground, c'est ce qu'on vient juste d'entendre. Avant ça, il y avait la nouveauté de Metric, la pièce Sick Muse, c'est la nouvelle entrée sur le palmarès anglophone cette semaine, et c'est vraiment très bon. Le bloc avait commencé avec Pen to the Paper de Parler, une autre pièce qui se retrouve dans le palmarès anglo, qui est vraiment très bon ces temps-ci. Maintenant, on va continuer tout de suite en musique avec une pièce de Jésus Bench 400 livres qui sont en spectacle le mercredi prochain, le 22 avril, c'est du côté de l'Embuscade. On va écouter la pièce Yeux fixés de Jésus Bench 400 livres à Respecter les Dauphins. Let's vitesse mécanique. Thank you. Je suis l'homme qui glisse sur son caddie dans les grandes surfaces. Je trace sans bruit en prenant des céréales avec un joli bol recouvert d'arbres imprimés sans cime et sans sol. Au plus profond de cette forêt tronquée, une mare de café. La caisse abreuve de caissière au visage pâle, certaines brossant et brassant des poignées d'argent sale, le tout éclairé par des guirlandes de néon. Les caissières m'attirent en tripotant leurs boutons. Si des pulsions de consommation deviennent trop dangereuses, des gorilles sont là pour mordre les mains baladeuses. C'est alors qu'elles font voler tout droit dans ma direction un avion SOS plié dans un bond de réduction. Et d'une seule voix sucrée, elle murmure mon nom. Se pressant dans une masse de carcasses découpées. Je terrasse au rayon d'os, je terrasse au rayon d'étage. Et je suis l'homme qui t'étale, je suis l'homme de fromage, une pâte molle qui fouette sous un bel emballage. Et je suis le prince des produits qui jamais ne pourrit. Ces chérubins par l'ouverture passés dans des rangées géantes garnies de garnements dociles. Me prenant pour un soleil de rayons en rayons, je me sens soudain dans l'oreille un petit avion. Comme un écho qui se réveille, je me murmure mon nom. Ce que vous venez d'entendre, c'est la pièce Glissman de l'artiste Moby Dick. C'est un artiste français qu'on n'est pas, que vous n'êtes pas habitué d'entendre vraiment ici à C'est Fou. C'est pas encore très connu. Ça a déjà joué ici à l'émission une ou deux fois. Mais sinon, c'est pas un artiste encore très connu. Mais je pense que ça va changer prochainement. En tout cas, il est ici présentement pour se faire connaître. Et je lui dis bonjour. Salut Moby Dick. Eh ben, salut. Ça va bien? Eh ben, impeccable. Je dis pas que j'arrive de l'avion juste pour venir à Trois-Rivières, mais ça fait du bien d'être là quand même. Ouais, c'est ça. Explique-nous justement. Ben en fait, on va ouvrir une petite parenthèse. Comme ça, t'es ici justement, tandis que t'en parles, t'es au Québec pour le festival Vue sur la Relève à Montréal. C'est ça. On va reparler un petit peu plus tard dans l'entrevue. Je voudrais qu'on commence, si tu peux nous expliquer en fait, comment tu as commencé à faire de la musique, parce que tu as quand même un long bagage. On a entendu la pièce avec Glissman qui vient d'entendre, il y a beaucoup d'influence là-dedans, c'est une musique assez éclectique, je dirais. Mm. Et puis, ça vient en fait de tes influences qui sont assez diverses. C'est ça, ouais. Alors, pour parler de la petite carrière musicale, entre guillemets, moi j'ai commencé le piano tout petit, puis j'ai grandi là-dedans, le petit groupe de rock à 14-15 ans, comme plein. Et puis petit à petit, voilà, moi je suis arrivé à Angoulême en France pour faire des beaux-arts, une école de beaux-arts là-bas. Et puis Et puis petit à petit, j'ai composé des chansons pour faire rire les copains. Donc c'était des chansons de cul, des chansons de fesses, des chansons voilà pour chanter en même temps qu'on buvait. Et puis au fur et à mesure, je me suis pris un peu plus au sérieux. J'ai écrit des textes peut-être un peu moins rigolos, mais voilà, en continuant là-dedans. Et justement dans cette école, j'ai rencontré Joël Grelier, qui était ingénieur du son et qui aimait bien ce que je faisais. Du coup, il m'a pris sous son aile et on a enregistré 12 titres. En prenant vraiment le temps, on avait tout le temps qu'on voulait, donc on a mis 9-10 mois à enregistrer tout ça. Et puis voilà, du coup, il y a le petit album qui a été pondu comme ça, quoi. Les pilules du bonheur, ouais. C'est comme ça que l'album s'appelle. C'est un album indépendant, donc, que tu as fait toi-même et qui n'est pas encore signé ni distribué en France. Hein. Voilà, c'est ça, on est en train, tout ça c'est en train d'être fait. Donc je ne l'ai vraiment pas fait tout seul, hein. Il y a vraiment Joël qui était là et lui, il est en train de monter son petit label ici, donc il s'appelle This Song. Et puis, ouais, pour l'instant, je pense que c'est limite presque pas parler de la France, vu que ça a l'air de mieux marcher ici, quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même étrange, un peu comme phénomène, parce que souvent, les artistes français qui parviennent jusqu'ici au Québec sont les artistes qui ont un peu plus de succès en France. Et c'est un peu, généralement, là, le chemin, c'est un peu après le succès en France, on va du côté du Québec. Mais toi, tu commences un peu par le Québec. Ben ouais, j'ai pris la porte qu'on m'a ouverte. Du coup, ben voilà, je suis là. Et justement, cette porte, c'était le festival dont tu parlais tout à l'heure, Vue sur la Relève, qui se passe à Montréal. Oui. Là, qui dure, je sais plus, c'était du 5 au 19 ou au 18 avril. Et on a envoyé le CD et pouf, j'ai été sélectionné. Donc, ils ont eu un coup de cœur. C'est Marie-André, c'est la présidente du festival, donc qui a choisi ça et qui a vraiment eu un gros coup de cœur. Du coup, hop, mais voilà, j'ai pris l'avion, on est là. Et puis, donc demain, il y a la date, donc à une salle. Mais bon, je sais pas si ici, c'est très important d'en parler, mais... En tout cas, il y a un concert demain à Montréal. Et puis voilà. Ok. Donc ça va être dans le cadre de Vue sur la Relève, mais t'aurais pu aussi simplement te contenter de venir faire le spectacle ici. C'est ça, en fond, c'est ce que le festival t'a invité à faire, c'est de venir faire un spectacle demain soir. Toi, t'as décidé de venir passer 2 semaines ici, en fait, au Québec. Ouais, c'est ça, parce que justement, le tout début, je suis arrivé le 6, et puis le 7, il y avait le lancement de l'album, ce qu'ils appellent un showcase. Et puis où j'ai joué 3 petites chansons devant les gens pour mettre en bouche, pour se mettre dans le bain. Et puis du coup, là, j'ai passé 10-12 jours au cours desquels on m'a branché avec un batteur et un bassiste, parce que je suis arrivé tout seul, vu que c'est de la musique quand même qui était pas mal faite par ordinateur ou en prise par prise, piano séparé et tout. Et du coup, là, avec deux Québécois, François et Vincent, et donc trop bien, on a répété 3 fois et ça s'est mis en place. Du coup, je crois que j'ai trouvé des musiciens. Je sais pas ce que ça va donner, mais ils m'ont dit, si je reviens à l'été, si je reviens à l'automne, ils sont là toujours. Et si j'arrive à avoir de l'argent pour qu'ils viennent en France, ils seraient partants, quoi. Donc ça, c'est du bonheur, quoi. Oui, ça, c'est vraiment génial. Donc, t'es arrivé seul, et puis le spectacle demain va se faire avec un groupe que t'as rencontré ici. Ouais, c'est ça. Donc, ça, c'est les aléas, c'est le bonheur du hasard, quoi, qui fait que finalement, ça se construit. Et peut-être que je vais pas m'avancer, quoi, mais peut-être que dans le futur, ces deux-là, je sais qu'ils ont quand même un petit peu leur vie posée, enfin pas posée, mais ils ont leur petite carrière de leur côté. Mais moi, je serais ravi, quoi. Il y a cette ambiance, je sais pas si tous les Québécois ils sont comme ça, mais direct, ils m'ont ouvert les bras. On s'est retrouvés dans une salle de répétition et ça a fonctionné direct. Les gars, ils se posent et ils se marrent et ils prennent du plaisir. Et puis j'étais là et ouais, vraiment du bonheur, quoi. Donc j'espère que vous êtes tous comme ça. Hein. Ben c'est une réputation, je pense, qu'on a ici au Québec. Je veux pas non plus décréter tous les Québécois comme ça, mais ouais, je pense que c'est un peu l'image que les Québécois ont. Finalement, tu vas jouer en trio demain pour le spectacle à Montréal. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est une formation que tu as l'habitude d'avoir, ou généralement les spectacles t'es plus seul quand Non, tu la plupart du temps ça tourne, je suis tout seul avec ma guitare. Et puis voilà, moi je suis pour l'instant j'étais surtout l'artiste de bar, quoi. On avait fait des playbacks, on avait enlevé les pistes de chant sur le CD. Donc moi j'avais quelques petites chansons où je balançais derrière la musique, okay. Et je chantais par dessus. Et puis petit à petit, je me suis dit il vaut mieux qu'on entende uniquement ce qu'on voit. Donc j'ai enlevé toutes les bandes sonores. Donc c'était devenu quelque chose de beaucoup plus unplugged, de beaucoup plus acoustique, avec juste la guitare et puis le chant. Et donc là, du coup, non, j'ai pas l'habitude. Donc ça va être nouveau demain pour toi. Et c'est du bonheur, hein, franchement. C'est trop bien, quoi. Trop, trop bien. Ça roule, c'est des mecs pros. Et puis, ouais, ça fait du bien. Wow. Parlant de formule acoustique que tu connais bien, t'as amené ta guitare. Ouais, ouais. Donc, si ça te tente, tu pourrais nous interpréter une pièce tout de suite. Ouais, donc c'est une pièce qui est pas sur l'album, qui est une pièce pour le prochain. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira un jour, mais elle est là. Donc c'est une pièce qui s'appelle Vietnam. Oui. Et qui parle du Vietnam. Donc le point de vue, c'est plutôt que de parler des soldats, tout ça, c'est je sais plus quand est-ce que j'ai vu Full Metal Jacket encore, ou je sais plus, il y a pas longtemps, le truc avec Tom Hanks là, qui y a une partie au Vietnam, Forrest Gump. Ouais, ok. Et je voyais tous ces arbres qui étaient brûlés par le napalm là, et je me suis dit tiens, je vais faire une chanson où je me mets dans la peau de l'arbre, et du coup qui se fait tirer dessus, qui se prend des balles, qui se fait cramer par les machins, et puis ça fera un point de vue un peu plus pas original, mais pas encore traité, on va dire. C'est un point de vue que t'aimes prendre, toi. Quand tu fais des chansons, tu vois toujours un peu le côté alternatif, différent d'un thème. Ouais, parce que bah moi je fais ça à la base, je faisais pas ça dans ma petite bulle, mais du coup je faisais vraiment ça pour m'emmener. Moi je me prenais ma petite pilule du bonheur le matin, et hop, du coup essayer d'avoir des textes qui m'emmenaient un peu dans la folie, et pas essayer d'écrire sur ce matin le soleil s'est levé, et essayer d'aller un peu plus loin et plus sur des gens un peu fous, et voilà quoi. Alors voilà, on va entendre ce que ça donne, la pièce Vietnam de Moby Dick interprétée live ici en studio. Allez, c'est parti. Tu me dis hein, s'il y a des petits problèmes de... Attends, j'ajuste un peu le micro, tout ouais, ça. Ouais, vas-y, installe-toi. Allez. J'étais grand pour mon âge. Quand je suis mort aussi haut qu'un quatrième étage, j'ai tellement fort que depuis des jours, je résistais sans broncher à des essaims de balles perdues et d'obus éclatés, même qu'une fois. Un marine s'infesté des fécas sur moi et me pissa sur les pieds, mais fallait pas bouger, ravaler sa haine et patienter. De toute façon, ils avaient pas besoin de mon aide pour crever. Et ça tombait, ça pleuvait, des tas de soldats pleuraient et gueulaient et nous prenaient pour de simples boucliers. Et je pissais la sève parmi les un trou de balle tiré, parmi les un trou de balle manipulé par un trou de balle. Y'a pas de good morning, c'est le Vietnam. Ouh, ouh, oh, oh, y'a pas de hippie happy. C'est le Vietnam, ouam. Y'en a qui disent damn, y'en a qui disent fuck, y'en a qui disent bloody, bloody, bloody, bloody hell. C'est le melting pot du Vietnam, oh ouais, c'est un arc-en-ciel. De babos au fusil, de héros serrant les fesses de cadavres dans les flammes et de caporals en liesse, éjaculant du napalm en écoutant Elvis Presley. La radio à fond sur le porte-avions fait yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'étais grand pour mon âge, quand j'ai crevé du courage jusque dans les feuilles les plus perchées. Et depuis des heures, j'avais le tronc éclaté et je maudisse tous les tordus crevés dans la forêt à part un soldat. Le seul à m'avoir parlé, il s'appelait Kim Kong, l'homme au sang qui coulait jusque dans les tongs. Et quand il s'est adossé à moi, comme jamais il soupira et il tremblait, oh là là là là. Mais comme jamais il souriait, et le silence se fit. Je l'ai vu arriver, Kennedy dansant le tango avec Charlie, envoyer tous les dragons de son armée. Juste avant que le napalm le rende fou, Kim Kong chanta Poupoupidou. Y'a pas de good morning, c'est le Vietnam. Y'a pas de hippie happy, c'est le Vietnam. Y'en a qui disent damn, y'en a qui disent fuck, y'en a qui disent bloody, bloody, bloody, bloody hell. C'est le melting pot du Vietnam, oh ouais, c'est un arc-en-ciel. D'uniformes calcinés, de patrie méconnaissable, de gradés hallucinés et de marilines gonflables, de puceaux finis trop tôt qui se coiffaient à la presse, et le cri de guerre de toutes ces têtes rasées fait yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Y'a pas de good morning, c'est le Vietnam. Ouh, ouh, oh, oh. Y'a pas de hippie happy, c'est le Vietnam. Wow, merci. C'était la pièce Vietnam de Moby Dick, interprétée voilà. Live. Donc, c'est une pièce, comme tu disais, qui va se retrouver sur un prochain album. Ouais, ouais, pour l'instant, donc je la joue. Ouais, elle commence à tourner un petit peu. Faut bien la digérer pour que ça sorte tout seul. Et voilà. Mais pour l'instant, donc le premier album qui s'appelle Les Pilules du Bonheur, on en a parlé un peu tantôt. Est-ce que c'est disponible en ligne, si on veut se le procurer? Est-ce que c'est possible de le faire? Ouais, moi sur le site, donc www.modybick.com. Donc il y a un petit lien, moi pour m'envoyer, pour l'instant c'est à la bonne franquette quoi, c'est il y a un petit lien pour m'envoyer un petit courrier électronique, et donc suite à ça il y a une petite correspondance qui se fait, et c'est moi c'est 10 euros ici, ça fait ouais 15 dollars. Okay. Et donc voilà, on peut le commander, moi je l'envoie. Les frais de port ici, je sais pas encore trop bien combien ça fait, mais tout ça, de toute façon, il y a juste à me contacter sur modibic.com et puis ça se fera, quoi. Et normalement, cette semaine-là, il est à Archambault, mais alors à Archambault, c'est à Montréal. Je sais pas si ensuite il va se diffuser. J'ai vu qu'il y avait un Archambault ici aussi. Oui, oui. Et peut-être qu'il sera un jour à Trois-Rivières dans les rayons. Hein. Ouais, ben ça sera à voir avec les résultats finalement ou les contre-coups qu'il y aura au spectacle de demain pour ouais. Vue sur la relève. À date, tu as déjà passé presque deux semaines à Montréal. Tu as fait des rencontres, tu as rencontré des musiciens avec lesquels tu vas jouer. Est-ce que tu as fait d'autres rencontres qui pourraient éventuellement amener à une distribution de l'album justement ou à une distribution, non, bah j'ai vu des agents, quoi. Enfin, on m'a présenté des agents. Après la distribution, je crois que c'est vraiment à nous de faire le boulot là pour l'instant, déjà de se faire écouter, okay. De se faire connaître. Et puis tout ça, on verra ça après. Pour l'instant, c'est vraiment déjà qu'on sache qui c'est le petit Modibic et ouais. Et pourquoi il débarque ici, quoi. Et c'est un peu demain que tout ça va se faire. C'est demain que les gens pourront vraiment découvrir puisque le spectacle a lieu demain. Ouais, ouais. Donc on te souhaite vraiment que le plus de gens possible assistent à ça et soient enchantés par Modibic comme nous on l'est ici assez fou. Ah ben merci. Puis moi j'espère que au prochain voyage, parce qu'il y en aura un prochain, que oui. Je viendrai au Québec. J'espère que du coup je resterai un peu plus longtemps à Trois-Rivières et que je pourrai jouer dans un petit bar ici et puis que. Ouais, je suis persuadé voilà. Que ça peut s'arranger sans problème. Ok. Donc ben merci beaucoup à toi Modibic et puis je vais juste répéter peut-être si les gens veulent consulter, veulent entendre des pièces, tu as un site MySpace. Ouais, ouais. On peut écouter 4 pièces sur le site MySpace, c'est www.myspace.com/Modibic. Et puis est-ce que t'avais quelque chose? Il y a des morceaux disponibles sur iTunes aussi. Oui, OK. iTunes, comment vous dites? iTunes, ouais. Et puis voilà, donc je sais plus, c'est ouais, $99 la chanson. Ouh, je veux pas en vendre beaucoup, hein. Non, mais 99 sous la chanson, et puis voilà quoi. Bon, parfait. Donc on peut aller sur iTunes pour se procurer tes. Mais sinon, allez plutôt sur le MySpace. Moi, ça me fera monter le compteur, et puis ça me fera plaisir à mon petit ego, quoi. Bon, ben c'est parfait. Mais je te remercie beaucoup d'être passé ici, Modibic. Je te souhaite bonne chance, puis ben bonne fin de voyage. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient là pour les prochains jours à part le spectacle demain? Est-ce que tu as du tourisme de prévu un peu ou Le tourisme, on l'a fait vite fait hein, mais c'est pareil, c'est resté sur Montréal, mais sinon ouais, okay. j'ai commencé à bien rencontrer les petites bières que vous avez ici ouais. Et on a envie de les rembrasser encore une deuxième fois hein. Ah, OK, donc c'est le début d'une histoire d'amour entre ouais. Modibic et la bière qu'on voilà. brasse. Parfait. Donc nous on va se laisser avec la pièce Johnny qui est sur l'album Les Piliers du bonheur. Donc on écoute ça tout de suite et merci encore. Merci à toi. C'est au beau milieu de la fièvre du samedi soir que Jules la tua d'un coup de mâchoire. Johnny était de ces femelles qui sortent les griffes comme pour s'amuser, qui jonglent entre crocs et mamelles, qui sucent leur pouce après avoir griffé. À peine sortie d'un berceau de papier, elle tuait déjà des papillons. Pour le plaisir, sa jambe gauche s'est déchirée comme du papier. Quand Jules la tua, pour le plaisir, elle a épuisé ses nerfs. Deux mois et demi, elle était dans rock'n'roll, sa petite jolie. C'était au milieu d'un jardin noir que Jules la tua. Écoute le chant. Thank you. Et toi, le vétérinaire bien intentionné, si tu crois qu'on calme les pauvres gens en racontant des histoires de chats éventrés, tu ferais mieux de te convertir à l'arrachage de dents. Comme une petite patte arrachée, mon pauvre chat, elle doit vivre avec surprise. Vous ai dit que pas plus tard que dans la matinée, j'ai eu un chien empalé sur le bout de sa tournevis. Elle m'a fait payer $80, c'est le prix pour mourir un samedi soir. Mais oui, vous écoutez toujours l'émission Respecte les dauphins sur les ondes de CIFU 89.1 FM, la dernière émission de Respecte les dauphins. Il reste une dizaine de minutes environ à l'émission seulement. Après ça, c'est la fin des dauphins ici sur les ondes de CIFU. Mais on se reparle un petit peu tout à l'heure, en fait, là, de ce qui se passe pour l'été pour moi. On va aller en musique tout de suite, tiens, avec le groupe Le Mieux, La Mort et la pièce Se taire. Et être avec Side, une nouvelle pièce qui est sur le palmarès pour le groupe Winter Gloves, une très bonne pièce. Juste avant ça, on avait entendu Se taire du groupe Le Mieux de la Mort, et c'est ce qui termine la dernière émission à vie, probablement, de Respecter les Dauphins. En tout cas, c'est sûr que pour un avenir rapproché, il y aura pas d'autres diffusions de l'émission. Mais peut-être, qui sait, peut-être que l'émission pourra revenir dans une autre formule, parce que je pense que je vais m'ennuyer un peu de passer l'excellente musique anglophone de ces fous, chose que je fais pas dans mon autre émission, La Dernière Porte à Gauche, qui se consacre uniquement à la musique francophone. Donc, je pense que je vais peut-être m'ennuyer un peu de passer ça. Donc, je verrai peut-être qu'est-ce qui pourra se passer pour l'été. Mais pour l'instant, ce que je vous dis, c'est un seul rendez-vous par semaine, les vendredis soirs, dans les palmarès et tout de suite après dans La Dernière Porte à Gauche. C'est ça aussi. J'en profite pour vous dire que les émissions sont disponibles en balado-diffusion sur le unechance.com. Donc, cette émission que vous venez d'entendre avec, entre autres, la performance et entrevue avec Moby Dick. Je trouve que c'est une belle façon de terminer la session avec cette émission-là qui a eu tellement d'échecs côté entrevue. Ça s'est bien passé finalement, donc je suis bien content. Et vous pouvez aller télécharger ça sur le unechance.com. On va se laisser en musique avec une dernière pièce, c'est Apprendre à danser du groupe Chinatown. Et je vous dis bye bye. La pièce est rouge et j'ai le mal de mer. Je cherche mon chapeau sur le plancher de danse. La musique est trop forte, stupide et vindicative. Et je ne comprends pas ce que tu dis, c'est pourquoi je souris. Pendant que tu gueules dans mes oreilles. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Faudrait t'apprendre à danser. Remémore-moi ce qu'on est venu faire ici. Au diable vos verres,